Exercice 7, page 112. A. Il séduit une femme. B. Il produit une pièce. C. Il poursuit une quête. D. Il traduit une nouvelle. E. Il conduit une moto. F. Il construit une maison.